fais-moi signe. Je les mets en I comme l'Africa Twin. J'ai jeté ma sim, si tu m'aimes, fais-moi signe. Wesh l'ancien, tu m'as déçu. Dans mon dos, tu casses du sucre. Et en plus, quand je pars, tu suces. Tu dis que tu vas me tirer dessus. Mais t'es quel genre d'individu? Quand y'a du monde, je reconnais pas. Et quand il m'arrive des malheurs, à skip, tu danses comme Paul Pogba. Main du bendo, j'écoute mon verre, Tandja et Fidjo. Tu peux me voir en Twingo. Et dans ta soirée, je me le fais pas dans, je crache l'enfoiré. Équipe de taré. Un soir, on était yo, on voulait lever une moto sans frein. Un soir, on était yo, on faisait TB avec les. Un soir on était yo, on voulait lever une moto sans frein. Un soir on était yo, on faisait TB avec les uns. On était yo, on était yo, on était yo, on était yo. Pas d'avant ta fraise, vais faire ma nuit. Si t'es pas intime, m'appelle pas le.